الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى إننا نعيش أياما فاضلة أياما فاضلة وشهرا مباركا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر الصيام والقيام والغفران وقبل ذلك يا عباد الله هو شهر القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله تعالى أوجب الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيام هذا الشهر لأن الله أنزل فيه القرآن فجعل صيامه شكراً لنعمة القرآن أيها المؤمنون أيها الصائمون إن هذا القرآن الكريم كتاب هداية وإصلاح وتزكية وتربية وشفاء ورحمة ونور وضياء يقول ربنا تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم ويقول تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويقول عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ما أعظم هذا القرآن وما أعظم تأثيره ما أعظم هذا القرآن يا عباد الله وما أعظم تأثيره على القلوب إصلاحاً وتزكية وفلاحاً هذا القرآن الكريم أيها المؤمنون هو كلام الله كلام رب العالمين تبارك وتعالى وخالق الخلق أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ويقول عز من قائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسال عربي مبين يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما إن من كان قبلكم يعدون هذا القرآن رسائل من ربكم فيتأملونه بالليل ويقيمونه عملا بي في النهار. فهذا القرآن منة إلهية وعطية جسيمة. يقول الله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي القرآن والإسلام بهذا أوجبنا الله سبحانه وتعالى الفرح. هذا القرآن الكريم أعظم الكلام، لا كان ولا يكون ولن يكون مثله ولا قريبا منه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وقد ضرب الله عز وجل مثلا عجيبا في القرآن الكريم، فقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا مثلا عظيما في تأثير القرآن، فما بال هذه القلوب. هذا القرآن العظيم إذا تلي وأحسن العبد تدبره وعقل معانيه زاد إيمانه وقويت صلته بربه وقوي يقينه. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. ومن أراد الانتفاع بالقرآن عليه أن يتلوه حق تلاوته بحسن تلاوته والفهم والعمل به. قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والقرآن إنما أنزل للتدبر. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتمسك بالقرآن فلاح وأمانة من الضلال. عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. هذا هو القرآن يا عباد الله، فما شأننا نحن معه؟ هذا هو القرآن. جعل الله عز وجل الخيرية في من حفظ القرآن وعمل به. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وكثر الله أجور من قرأه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقرب الله عهد القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. روى أحمد وابن ماجه. ولقد رفع الله قدر أهل القرآن والمتمسكين به العاملين به. عند مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، يقول القرآن منحته النوم بالليل فشفعني فيه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، بل إن الله كرم آباء أهل القرآن، بل إن الله كرم آباء أهل القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الحاكم من حديث بريدة رضي الله عنه: من قرأ القرآن وتعلمه، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه تاجا من نور، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. صححه الألباني رحمه الله. والله يا عباد الله، لو رجعنا إلى القرآن الكريم في أمورنا كلها لصلحت المشاكل الاجتماعية والأسرية والأسقاء والأمراض وكل شيء. ومن أراد أن يعرف مكانته في الدين وقدره عند رب العالمين فليعرض نفسه على القرآن الكريم ولينظر شأنه مع القرآن المجيد. وسبحان من قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا وهدانا بإنزال القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صام وقام وقرأ القرآن. Nous vivons des jours bénis durant ce mois de Ramadan, ce mois du jeûne, de la prière et du pardon des péchés. Et avant tout cela, c'est le mois du Coran, le mois durant lequel a été révélé pour la première fois le Coran, le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé en tant que guide pour les gens. Le grand savant Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala nous dit: Allah a rendu obligatoire à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jeûne du mois de Ramadan. Dans ce mois, le mois de Ramadan, car Allah a révélé le Coran dans le mois de Ramadan. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le jeûne de ce mois soit une reconnaissance pour la révélation et le bienfait du Coran. Chers frères, ce noble Coran est un livre de guidée, de réforme et de purification. C'est un livre d'éducation. C'est un soin, un remède, une miséricorde, une lumière émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ces versets: vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite par lequel Allah guide ce qu'il souhaite vers son agrément et les chemins de la paix ou du salut. Et il fait sortir des ténèbres vers la lumière. et il les guide vers le chemin droit. Il nous dit également, selon la traduction des sens de ce verset, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur et annonce la bonne nouvelle aux croyants, ceux qui font les actions pieuses, qu'ils auront une très grande récompense. Et dans l'autre verset, et on révèle du Coran ce dans quoi il y a une guérison, une miséricorde pour les croyants. Et ça ne fait qu'ajouter pour les injustes perte. Ô combien ce Coran est immense. Et ô combien l'effet du Coran sur les cœurs et les serviteurs est immense. Dans la réforme et dans la guidée. Dans le bonheur, dans le bonheur. Ce Coran est la parole d'Allah, notre maître. C'est la parole du Seigneur des mondes et du Créateur de l'ensemble des créatures. Il nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ces versets, et c'est certes la révélation du Seigneur des mondes, le digne de confiance est descendu avec, c'est-à-dire Jibril, sur ton cœur, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une langue arabe claire, afin que tu sois du nombre des avertisseurs. Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhuma nous dit, certes ceux qui vous ont précédés considéraient que le Coran était une lettre émanant d'Allah pour ses serviteurs. La nuit, ils le méditaient, et la journée, ils le mettaient en pratique. La révélation du Coran est le plus grand bienfait sur les créatures. Allah nous ordonne de nous réjouir de cela et nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien mieux que toutes les richesses qu'ils pourraient amasser. C'est-à-dire de l'islam et du Coran qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que toutes les choses de ce bas monde. Ce Coran et la parole d'Allah. Il n'y a jamais eu une parole semblable. Et personne n'est capable d'amener une parole semblable. Et jamais il n'y aura une parole semblable. Ni qui se rapprocherait de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas d'égal. Celle qui est préservée de toute altération et de tout défaut. Et Allah nous cite en parabole une image immense lorsqu'il nous dit « Si nous avions révélé le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se fendre par humiliation. Tu l'aurais vu se fendre par humiliation devant Allah. Que dire alors des cœurs lorsque le Coran leur est récité? Ce Coran, si on le récite et que le serviteur le médite réellement et cherche à comprendre ses sens, sa foi augmentera, sa certitude se renforcera et son lien avec son Seigneur sera solide. On nous dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, les vrais croyants ou seuls les croyants sont ceux qui, lorsqu'on leur récite le rappel d'Allah ou la parole d'Allah à leur cœur, frémissent. Et lorsqu'on lui récite, leur récite ces versets, leur foi augmente. Et ils placent uniquement leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et dépensent de ceux dont nous leur avons accordé ou leur avons donné, voici les vrais croyants. Celui qui veut tirer profit du Coran doit mettre en pratique trois choses. Il doit le psalmodire correctement et apprendre la science de la lecture. Deuxièmement, il doit le méditer. Troisièmement, après avoir compris ses sens, il doit le mettre en pratique. C'est ainsi qu'on lit réellement le Coran. Quant à celui qui lit le Coran et le contredit avec ses actions, il n'est pas un lecteur du Coran. Le lecteur du Coran est seulement celui qui l'applique, même s'il ne mémorise que peu de Coran. Le Coran a été révélé pour qu'il soit médité. Un livre que nous avons révélé sur toi bénir afin qu'il médite ces versets et que les gens doués d'intelligence se souviennent. Celui qui se cramponne au Coran sera préservé de l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez jamais après moi tant que vous y resterez cramponné. Le livre d'Allah, il nous dit, le livre d'Allah, le câble étendu du ciel jusqu'à la terre. Et dans l'autre hadith, le livre d'Allah, un bout est dans la main d'Allah et l'autre bout chez les serviteurs. Au kamaqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah a mis la suprématie et le bien total chez les adeptes du Coran, ceux qui le mémorisent. Uthman radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui mémorise le Coran et l'enseigne. Rapporté par Al-Bukhari. Et Allah a mis la grande récompense chez les lecteurs du Coran. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit une lettre du Coran aura une récompense, et chaque récompense sera multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre à part, Lam est une lettre à part et Mim est une lettre à part. Les gens du Coran sont les rapprochés d'Allah et ses privilégiés. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah a des gens privilégiés parmi ses serviteurs. Ils ont dit: qui est-ce au messager d'Allah, qui sont-ils? Il a dit: ce sont les adeptes du Coran, ce sont les privilégiés d'Allah et les gens qui ont une place particulière auprès de lui. Allah azza wa jal a élevé les gens du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes Allah par ce livre élève certaines personnes et en rabaisse d'autres. Comme nous le cite Omar ibn Khattab dans lequel l'imam muslim. Et Abu Umam al-Bahri nous dit également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: lisez le Coran. Lisez le Coran, il viendra certes en tant qu'intercesseur pour vous yom al-qiyam. Et cela que pour ses adeptes. Il dira: je l'ai empêché de dormir la nuit, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit: on dira au lecteur du Coran, à l'adepte du Coran: lis, élève-toi une psalmodie comme tu le faisais dans ce bas monde. Et certes ta place, c'est-à-dire dans le paradis, sera au rang du dernier verset que tu réciteras. Plus étonnant que tout cela, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, honorera les parents de celui qui a mémorisé le Coran et appliqué le Coran dans ce bas monde, car les parents sont la cause en général. Buraydah radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit le Coran, qui l'étudie, et le met en pratique, ses parents seront vêtus d'une couronne de lumière. La lumière du soleil ne sera pas plus étincelante que cette couronne. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala va accorder aux parents des gens du Coran, des adeptes du Coran, une couronne de lumière dont la lumière est plus resplendissante que la lumière du soleil. Aussi, ils seront vêtus de deux vêtements qui sont meilleurs que tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Puis ils diront: pourquoi avons-nous été vêtus de ce vêtement? Pourquoi avons-nous reçu tout cela? Et on leur répondra: car votre enfant a mémorisé le Coran. Car votre enfant a pris le Coran. Oh chers parents, encouragez vos enfants dans l'étude du Coran. Il y a dans cela la rélévation et la vôtre. Si on serait revenu au Coran dans toutes nos affaires, dans nos affaires sociales, économiques, dans les affaires du foyer, du travail et autres, toutes nos affaires seraient réformées et le bonheur aurait pénétré les cœurs et les maladies auraient été guéries. Celui qui veut connaître sa place dans la religion d'Allah, qu'il regarde la place du Coran dans son cœur et sur sa langue et dans ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité l'étude du Coran et son rappel. Et c'est le seul livre révélé dont la mémorisation par cœur a été facilitée, alors qu'auparavant il tenait le livre et le récitait. Mais le Coran est le livre préservé et mémorisé, et récité et infalsifiable. Et prenez garde à vous éloigner du Coran et faites attention afin de ne pas entrer dans la plainte prophétique, comme dans ce verset dont la traduction des sens est « Et le Seigneur et le messager a dit « Ô mon Seigneur, certes mon peuple s'est éloigné de ce Coran. » Et sachez que ceux qui s'éloignent du Coran dans ce bas monde seront éloignés d'Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah et seront ressuscités dans la plus mauvaise posture. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Et celui qui s'éloigne du Coran et celui qui s'éloigne de nos rappels aura à vivre une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle. Il dira: Ô mon Seigneur, pourquoi suis-je ressuscité aveugle? On lui dira: c'est comme cela que tu as accueilli nos versets. Lorsqu'ils te sont venus, tu les as oubliés. C'est ainsi qu'aujourd'hui tu seras oublié. Celui qui délaisse le Coran sera délaissé par Allah Azza wa Jal et oublié volontairement par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Ummata Muhammad, irji'u ila al-Quran, fa innahu kalam ar-Rahman, al-Munazzal, ala Sayyidi Waladi Adam. Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Ô la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, revenez au Coran. C'est la parole du tout miséricordieux qui a été révélée par l'intermédiaire de Jibril sur le cœur du meilleur des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la meilleure langue, la langue arabe, dans le meilleur des endroits, Mecca, durant le meilleur mois, Shahru Ramadan. Il est donc, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, parfait de tout point de vue. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la vie et la santé dans le mois de Ramadan, nous nous devons de faire montrer à notre Seigneur le bien dans notre comportement envers ce Coran, le lire, le méditer et l'appliquer. Craignez Allah azza wa jal dans votre jeûne, dans votre prière et dans vos sadaqas. Et efforcez-vous de redoubler d'efforts dans le mois de Ramadan en espérant obtenir sa récompense. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana ajma'in min ahli al-Qur'an ahli Allah wa khassatih. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhab an-nar. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين. Il y a la mère d'un de nos chers frères de Bobigny, Hamidou, qui est décédé. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها ويغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم ارحمهم اللهم اغفر لأمهاتنا وارحمهم وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ce mois de Ramadan est un mois de sadaqah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque croyant sera sous l'ombre de son aumône en al-qiyama. Il nous dit également que l'aumône éteint la colère d'Allah, tout comme l'eau éteint le feu. Et il nous dit que cette catégorie de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah, yawm al-qiyama, le jour où il n'y aura pas d'autre trône si ce n'est celle-ci. Et parmi ces sept catégories de personnes, il y a la personne qui a fait une sadaqa avec sa main. Il l'a tellement caché, a été tellement sincère que son autre main n'a pas su ce que l'autre a dépensé. Donc on vous appelle à dépenser pour la mosquée afin de construire la nouvelle mosquée de Panta, inshallah ta'ala. Et on encourage les gens à faire des prélèvements afin de donner régulièrement. وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا لصلاتكم.